L'Évangile selon Thomas. Voici les paroles secrètes prononcées du vivant de Jésus, que Thomas a rapportées. 1. Jésus a dit : Celui qui découvre l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. 2. Ceux qui cherchent ne doivent pas arrêter de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent. S'ils trouvent, ils seront dérangés. S'ils sont dérangés, ils seront émerveillés, et régneront sur tout. 5. Connaissez qui est en face de vous et ce qui est caché de vous sera révélé. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. 6. Ne mentez pas, ne faites pas ce que vous haïssez, puisque toutes choses sont à découvert devant le céleste. Après tout, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, rien de couvert ne restera caché. 7. Béni est l'humain qui mangera le lion, qu'ainsi le lion devienne humain. Insensé est l'humain, que le lion mangera et le lion deviendra encore humain. 11. Ce ciel passera, comme passera celui au-dessus de lui. Les morts ne sont pas vivants. Les vivants ne mourront pas. Dans les jours où vous avez mangé ce qui est mort, vous l'avez rendu vivant. 10.4 Il dira à Jésus : Viens, prions et jeûnons aujourd'hui. Jésus dit : Quel péché ai-je commis ? Comment serais-je défait ? Plutôt que les gens prient et jeûnent quand le fiancé quitte la chambre nuptiale. 14. Sinon vous allez apporter le péché sur vous en jeûnant, vous allez vous condamner en priant, vous allez nuire à vos esprits en donnant la charité. 52. Ses disciples lui dirent : 24 prophètes ont parlé en Israël, et tous ont parlé de toi. Il leur dit : Vous avez dédaigné le vivant, qui est en votre présence, et avez parlé des morts. 43. Ses disciples lui dirent : Qui es-tu pour nous dire ces choses ? Parce que je vous dis, vous ne comprenez pas qui je suis. Plutôt vous êtes devenus comme les Judéens. Ils aiment l'arbre mais haïssent son fruit, ou aiment le fruit mais haïssent l'arbre. 91. Ils lui dirent : Dis-nous qui tu es pour pouvoir croire en toi. Il leur dit : Vous ne savez pas comment étudier le présent, car vous étudiez par devant ciel et terre, et vous n'êtes pas venus à connaître celui qui est en votre présence. 75. Nombreux se tiennent à la porte, mais ceux qui sont seuls accéderont à la chambre nuptiale. 49. Bénis ceux qui sont seuls et choisis, car vous trouverez le royaume. Car vous en êtes issus et vous y reviendrez encore. 8. Une personne sage est comme un pêcheur qui jette son filet dans la mer et le retire rempli de petits poissons de la mer. Parmi eux le sage pêcheur découvre un bon gros poisson. Sans hésiter, il choisit le gros poisson et rejette tous les petits poissons à la mer. Quiconque ici avec de bonnes oreilles fait bien d'écouter. 9. Voyez le semeur qui sortit. Il prit une pleine poignée qu'il dispersa. Celle tombée sur la route, les oiseaux vinrent et les ramassèrent. Celles tombées sur le roc ne s'enracinèrent pas dans le sol et ne produisirent pas d'épis. Celles tombées sur les épines. Les épines étouffèrent les semences que les vers mangèrent. Celles tombées dans un bon sol produisirent une bonne moisson qui donna 60 par mesure, 120 par mesure. 10. Je regarde le feu que j'ai jeté sur le monde et je veille sur lui jusqu'à ce qu'il enflamme. 12. Les disciples dirent à Jésus : Nous savons que tu vas nous quitter, qui sera notre chef ? Jésus leur dit : Peu importe où vous êtes, vous avez allé vers Jacques le Juste à cause duquel ciel et terre vinrent exister. 13. Jésus dit à ses disciples : Comparez-moi à quelque chose et dites-moi ce que je suis. Thomas lui dit : Professeur, ma bouche est totalement incapable de dire ce que tu es. Je ne suis pas ton professeur, tu es devenu intoxiqué d'avoir bu l'effervescent soulevé après que j'ai officié. Il le prit et se retira pour lui dire trois paroles. Thomas revint vers ses amis qui lui demandèrent. « Que t'a-t-il dit ?» Thomas leur dit. « Si je vous dis une des paroles que Jésus m'a dites, vous prendriez des pierres pour me lapider et le feu sortirait des pierres vous dévorer. » 14. Quand vous allez dans une région, marchez dans la campagne. Quand les gens vous font entrer, ne mangez que ce qu'on vous sert et guérissez les malades parmi eux. 15. Quand vous verrez celui qui n'est pas né de femme, tombez sur vos faces et vénérez. C'est votre Père. 16. Les gens pensent peut-être que je suis venu dans le monde pour prodiguer la paix. Ils ne savent pas que je suis venu sur terre pour prodiguer des conflits. Feu, épée, guerre. De cinq qui seront dans une maison, il y aura trois contre deux et deux contre trois, père contre fils et fils contre père, et ils se tiendront seuls. 17. Je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucune main n'a touché et qui n'a pas surgi dans le cœur humain. 18. Les disciples dirent à Jésus. Dis-nous comment viendra notre fin? Jésus dit. Avez-vous trouvé le commencement que vous cherchiez alors la fin? Vous verrez la fin sera où est le commencement. Béni celui qui se tient au commencement. Il connaîtra la fin, mais ne goûtera pas la mort. 19. Béni l'être qui a pris existence avant de venir à l'existence. Ces pierres vous serviront si vous prêtez attention à mes paroles et devenez mes disciples. Car il y a pour vous au paradis cinq arbres qui ne changent pas, été ou hiver, leurs feuilles ne tombent pas, quiconque les connaît ne goûtera pas la mort. 20. Les disciples dirent à Jésus. Dis-nous comment est le royaume céleste? Il leur dit. Le royaume est tel que la moutarde, la plus petite des graines, qui produit une grande plante, quand elle tombe dans un sol préparé et devient un abri pour les oiseaux du ciel. 3. Si vos chefs vous disent, voyez le royaume au ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Plutôt le royaume est en dedans de vous et en dehors de vous. Quand vous serez en vous-même, alors vous serez connus, vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous savez pas en vous-même, alors vous vivez en pauvreté. Vous êtes la pauvreté. 22. Jésus vit des nouveau-nés allaités. Il dit à ses disciples. Ces nouveau-nés à la mamelle sont comme ceux qui entrent au royaume. Entrerons-nous au royaume comme nouveau-nés? Lui dirent-ils. 4. Une personne âgée de jour n'hésitera pas d'interroger un petit enfant de 7 jours du lieu de la vie et cette personne vivra. Pour beaucoup, les premiers seront derniers et deviendront un seul. 21. Marie dit à Jésus. Comment sont tes disciples? Il dit. Ils sont comme des petits enfants habitant dans un champ qui n'est pas le leur. Et lorsque les propriétaires venus au champ leur disent, rendez-nous notre champ, face à eux ils enlèvent leurs vêtements pour le leur rendre, et rendent leur champ. Pour cette raison je dis, lorsque les propriétaires de maisons savent qu'un voleur va venir, ils seront sur leur garde avant que le voleur vienne pour ne pas le laisser forcer la maison et voler ce qu'il possède. Vous aussi mettez-vous en garde contre le monde. Préparez-vous avec grande force, et que les voleurs ne trouvent pas le moyen de vous atteindre. Car les difficultés que vous attendez viendront. Qu'il y ait une personne parmi vous qui comprenne. Quand la moisson mûrit, on vient rapidement porter une fauche et on la moissonne. Quiconque ici avec de bonnes oreilles fait bien d'écouter. 23. J'en choisirai un sur 1000, deux sur 10 000, et ils se tiendront comme un seul. 24. Ses disciples dirent. Montre-nous l'endroit où tu es, si nous devons chercher. Il leur dit. Quiconque ici avec deux oreilles fait bien d'écouter. La lumière qu'il y a dans une personne de lumière brille sur le monde entier. Si cela ne brille pas, il fait sombre. 33. Déclarez sur les toits ce que vous entendrez d'une oreille et de l'autre oreille. Après tout, personne n'allume une lampe et la met sous un panier, ni dans un endroit caché. Plutôt il la met sur un pied de lampe, pour que tous ceux qui vont et viennent voient sa lumière. 25. Aimez vos amis comme votre propre âme, protégez-les comme la pupille de votre œil. 26. Vous ne voyez pas la poutre dans votre œil, mais vous voyez le copeau dans l'œil de votre ami. Retirez d'abord la poutre de votre œil. Vous verrez mieux pour retirer le copeau de l'œil de votre ami. 28. Quand je pris ma position au milieu du monde et que je leur apparus en chair, je les trouvais tous ivres. Je n'ai trouvé aucun d'eux assoiffé. Mon âme souffre pour les enfants de l'humanité à cause de l'aveuglement de leur cœur, car ils ne voient pas qu'ils sont venus dans le monde vide et cherchent aussi à partir du monde vide, durant ce temps ils sont ivres. Quand ils se secourront de leur vin, alors ils changeront leur voix. 29. Que la chair vint à l'existence à cause de l'esprit, cela émerveille. Que l'esprit vint à l'existence à cause du corps, cela émerveille des merveilles. Je m'émerveille encore comment cette grande richesse est venue habiter dans cette pauvreté. 31. Aucun prophète n'est bienvenu dans sa propre ville. Les docteurs ne guérissent pas ceux qui les connaissent. 34. Si un aveugle conduit un aveugle, chacun d'eux tombera dans un trou. 32. Une ville construite sur une montagne haute et fortifiée ne peut ni tomber, ni se cacher. 35. Un tel ne peut entrer dans la maison d'une personne forte et lui prendre de force sans lier ses mains. Alors un tel peut piller sa maison. 36. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter du matin au soir et du soir au matin. 37. Ses disciples dirent : Quand nous apparaîtras-tu, et quand te verrons-nous ? Quand vous vous déshabillez, sans avoir de honte, prenez vos vêtements, mettez-les sous vos pieds, comme les petits enfants, et aplatissez-les. Alors vous verrez le Fils du vivant et vous n'aurez pas peur. 38. Souvent vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis, et n'aviez personne d'autre de qui les entendre. Il y aura des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. 39. Les pharisiens et les érudits ont pris les clés de la connaissance et les ont cachées. Ils ne sont pas entrés, ni laissés entrer ceux qui voulaient le faire. 102. Maudissez les pharisiens, qui sont comme un chien qui dort dans la mangeoire du bétail. Le bétail ne mange pas, ni même le chien. 93. Ne donnez pas les perles saintes que les chiens vomissent et que les cochons jettent au fumier. 40. Une vigne a été plantée à l'écart du père et depuis elle n'est pas forte. Elle sera tirée par sa racine et périra. 42. Soyez de passage. 44. Qui blasphème contre le Père sera pardonné. Qui blasphème contre le Fils sera pardonné. Qui blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné, ni sur terre ou au ciel. 27. Si vous ne jeûnez pas le monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous n'observez pas le samedi comme un repos sabbat, vous ne verrez pas le Père. 45. Les raisins ne se récoltent pas dans les épineux. Les figues ne se cueillent pas dans des chardons, car ils ne produisent pas de fruits. Les bienveillants produisent du bien de ce qu'ils ont conservé. Les malveillants produisent du mal de la méchanceté qu'ils ont conservé dans leur cœur et disent des mauvaises choses. Car ils produisent le mal de l'excès du cœur. 46. D'Adam à Jean le purificateur, parmi ceux nés de femmes, personne n'est aussi grand que Jean le purificateur, dont les yeux ne pouvaient être détournés. Mais j'ai dit que celui qui parmi vous devient un enfant, connaîtra le royaume, et deviendra plus grand que Jean. 47. Personne ne peut monter deux chevaux ou tendre deux arcs. Un esclave ne peut servir deux maîtres, autrement cet esclave honorerait l'un, et offenserait l'autre. Personne ne boit du vieux vin et aussitôt, vouloir boire du nouveau vin. Le nouveau vin n'est pas versé dans de vieilles outres, car il pourrait percer. Le vin âgé n'est pas versé dans une outre neuve, car il pourrait gâter. Une vieille pièce ne se coupe pas sur un nouveau tissu, car il pourrait déchirer. 50. S'ils vous disent, d'où venez-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière vint à l'existence d'elle-même, établie et apparue à leur image. S'ils vous disent, est-ce vous? Dites, nous sommes ses enfants, nous sommes les élus du Père vivant. S'ils vous demandent, quelle est la preuve du Père en vous? Dites-leur, c'est agir et reposer. 51. Ses disciples lui dirent, quand le repos des morts prendra place, et quand viendra le nouveau monde? Il leur dit, ce que vous attendez avec impatience est venu mais vous ne le savez pas. 53. Ses disciples lui dirent, la circoncision est-elle utile ou non? Il leur dit, si c'était utile, leur père produirait des enfants déjà circoncis dès leur mère. Plutôt la vraie circoncision en esprit est devenue profitable à tous les égards. 99. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère se tiennent dehors. Il leur dit, ceux ici qui font ce que mon père veut sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui accéderont au royaume de mon père. 55. Qui ne est pas père et mère ne peut être mon disciple. Qui ne est pas frère et sœur, et porte la croix comme je fais, ne sera pas digne de moi. 101. Qui ne est pas mère comme je fais ne peut être à moi. Qui est mère comme je fais peut être à moi. Car ma mère est la vérité qui me donne la vie. 105. Qui connaît le père et la mère sera appelé enfant de prostituée. 56. Qui en est venu à connaître le monde a découvert une carcasse. Qui a découvert une carcasse, le monde n'est pas digne de cette personne. 80. Qui est arrivé à connaître le monde a découvert le corps. Qui a découvert le corps, le monde n'est pas digne de lui. 57. Le royaume du Père est semblable à une personne qui a des semences. Son adversaire vint la nuit et sema des graines de chiendent entre les bonnes semences. La personne ne laissa pas les travailleurs arracher les graines de chiendent et leur dit « Non, car autrement vous allez tirer le chiendent et avec elle tirer le blé. Mais au jour de moisson, les mauvaises herbes seront évidentes, alors elles seront tirées et brûlées. » 58. Bénis la personne qui a peiné et trouvé vie. 62. Je révèle mes secrets à ceux dans les secrets. 59. Regardez vers le vivant aussi longtemps que vous vivez. Autrement vous pourriez mourir, et essayant de voir le vivant vous serez alors incapable de voir. 74. Seigneur, ils sont nombreux autour de l'abreuvoir, mais il n'y a rien dans le puits. 60. Il vit un Samaritain porter un agneau et allant en Judée. Il ne le mangera pas tant qu'il est vivant, mais seulement après l'avoir tué et soit devenu cadavre. Il ne pourra pas faire autrement, dirent ses disciples. Pareillement pour vous. Cherchez-vous un endroit de repos où vous pourriez devenir cadavre et être mangé. 61. Deux se pencheront sur une couche, l'un mourra, l'un vivra. Je suis votre disciple, dit Salomé. Qui êtes-vous maître? Vous avez sauté sur mon futon et mangé de ma table comme si vous étiez quelqu'un. Je suis l'être qui vient de celui qui est tout, lui dit Jésus. J'ai bénéficié des choses de mon Père. Pour cette raison je dis, si un est tout, il serait rempli de lumière. Mais si l'un est divisé, il serait rempli de ténèbres. 63. Il y avait une personne riche, qui avait une grosse affaire d'argent et se dit, « J'investirai mon argent pour que je puisse semer, récolter, planter, remplir mes greniers de produits, et que je ne manque de rien. » C'était ces choses à quoi il pensait dans son cœur quand il mourut cette même nuit. Quiconque ici avec deux oreilles fait bien d'entendre. 64. Une personne recevait des invités. Quand le souper fut prêt, il envoya son esclave convier les invités. L'esclave vint vers le premier et dit à celui-ci, « Mon maître te convoque. » Celui-ci dit, « Des commerçants me doivent de l'argent et viennent chez moi ce soir pour que je leur donne des instructions, veuillez m'excuser pour le souper. » L'esclave alla chez l'autre et dit à celui-ci, « Mon maître te convoque. » Celui-ci dit à l'esclave, « J'ai acheté une maison à l'extérieur où je suis appelé pour une journée, je n'aurai pas le temps. » L'esclave vint à l'autre et dit à celui-ci, « Mon maître te convoque. » Celui-ci dit à l'esclave, « Mon ami va se marier et j'ai à organiser le banquet, je ne serai pas capable de venir, veuillez m'excuser pour le souper. » L'esclave alla vers un autre et dit à celui-ci, « Mon maître te convoque. » Celui-ci dit à l'esclave, « J'ai acheté un domaine et je vais collecter le loyer, je ne serai pas capable de venir, veuillez m'excuser. » L'esclave revint et dit à son maître, « Ceux que tu as invités à souper ont demandé de les excuser. » Le maître dit à son esclave, « Sors dans les rues et ramène qui tu trouveras pour avoir à souper. Marchands et acheteurs n'accèdent pas aux places de mon père. » 65. Une personne possédait un vignoble qu'il loua à plusieurs fermiers pour qu'ils y travaillent et qu'ils collectent de sa récolte. Quand il envoya son esclave pour que les fermiers lui donnent la récolte de la vigne, ils le saisirent, le frappèrent, le tuèrent presque. L'esclave revint se rapporter à son maître. Son maître se dit, peut-être ne les connaît-il pas. Il envoya un autre esclave et les fermiers battirent cet autre pareillement. Alors le maître envoya son fils en se disant, peut-être qu'ils montreront certains égards envers mon fils. Mais quand les fermiers surent qu'il était l'héritier du vignoble, ils le saisirent et le tuèrent. Quiconque ici avec deux oreilles fait bien à entendre. 54. Bénis sont les pauvres, car le royaume céleste vous revient. 69. Bénis sont ceux qui vont avec faim, qu'ainsi soit comblé l'intérieur de qui est dans le besoin. 69. Bénis ceux qui ont été persécutés dans leur cœur, ce sont ceux qui sont venus pour connaître le Père en vérité. 68. Bénis vous qui êtes persécutés et haïs. Qu'importe où vous ayez été persécutés, aucun endroit ne sera trouvé. 71. Personne ne pourra bâtir maison où je détruirai. 66. Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée qui est la pierre angulaire. 70. Si vous générez ce qui est en vous, ce que vous aurez vous sauvera. Si vous ne l'avez pas en vous, ce que vous n'avez pas en vous, vous tue. 67. Ceux qui savent tout mais qui manquent en eux-mêmes sont totalement en manque. 72. On lui dit, « Dites à mes frères de diviser avec moi les biens de mon père. » Qui m'a fait un diviseur? Et se tournant vers ses disciples, il dit, « Suis-je ou ne suis-je pas un diviseur ?» 73. La récolte est immense et les travailleurs peu nombreux. Implorez le maître de la moisson d'envoyer des travailleurs au champ. 76. Le royaume du Père est semblable à un marchand ayant un inventaire de marchandises et trouva une perle. Ce marchand prévoyant vendit l'inventaire et acheta la perle unique pour lui. Ainsi pour vous, recherchez aussi son trésor qui est infaillible, qui est durable, où aucune mythe vient à manger, ni vers détruire. 77. Je suis la lumière qui est sur tous, je suis tous. Tous sont sortis de moi et tous me rejoignent. Divisez le bois en parts, je suis là. Élevez la pierre et vous me trouverez là. 78. Pourquoi êtes-vous allé hors de la campagne? Voir un roseau agité par l'eau ou une personne vêtue de beau linge, comme vos puissants dirigeants qui s'habillent de beau linge mais ne peuvent saisir la vérité. 79. Dans la foule une femme lui dit « Béni est le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. » Il dit « Bénis sont ceux qui ont entendu les paroles du Père et les ont gardées comme vérité. Car il y aura des jours où vous direz « Béni le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. » 110. Que celui qui a trouvé le monde est devenu fortuné, renonce au monde. 81. Que celui qui est devenu fortuné dirige. Que celui qui a du pouvoir renonce. 82. Qui m'approche, approche la flamme. Qui s'écarte de moi, s'écarte du royaume. 22. Chaque fois que vous faites les deux en un, chaque fois que vous faites intérieur comme extérieur, extérieur comme intérieur, le haut comme le bas, chaque fois que vous faites mâle et femelle en un seul, qu'ainsi le mâle ne sera pas mâle, ni la femelle être femelle, chaque fois que vous faites un œil à la place des yeux, une main à la place des mains, un pied à la place des pieds, une image à la place des images, lorsque vous foulerez aux pieds les habits de votre nudité, alors vous accéderez. 85. Adam vint du grand pouvoir et grande force mais il ne vous méritait pas, car il aurait eu ce mérite, non la mort. 83. Les images sont visibles aux gens, mais la lumière en elles est cachée dans l'image du Père de lumière. Il sera révélé mais sa lumière cache son image. 114. Simon leur dit. Faites partir Marie, car les femelles ne méritent pas la vie. Jésus dit. Vois, je vais la guider pour la faire mal. Ainsi elle va devenir un esprit vivant ressemblant aussi à vous, mâle. Toute femme qui se fait d'elle-même mâle accédera au royaume céleste. 84. Vous êtes heureux quand vous voyez vos semblables. Mais quand vous voyez que vos images, venues à l'existence avant vous, ne meurent jamais ni ne deviennent visibles. Combien pourrez-vous en supporter? 86. Les oiseaux ont leur nid et leur retraite, mais l'humain n'a pas d'endroit où s'allonger et reposer. 87. Misérable est le corps qui dépend d'un corps, misérable est l'âme qui dépend de ces deux. 88. Les anges et les prophètes viendront vers vous vous donner ce qui vous revient. En retour donnez-leur ce que vous avez, et dites-vous, quand viendront-ils prendre ce qui leur revient? 89. Pourquoi ne lavez-vous que le dehors du pot? Comprenez que celui qui fit le dehors est aussi celui qui en fit le dedans. 90. Venez à moi, car mon joug est réconfortant, mon autorité est douce, et vous trouverez du répit pour vous. 92. Cherchez, car vous trouverez. Si dans le passé je ne vous ai pas parlé de ce que vous m'avez demandé, maintenant que je veux en parler, vous ne les cherchez pas. 94. Seul qui cherche, trouvera, et par cela l'accès se fera. 95. Si vous avez l'argent, ne prêtez pas à intérêt. Plutôt donnez à qui ne pourra pas vous le rendre. 96. Le royaume du Père est semblable à une femme qui prit un peu de levure, de la en pâte, et fit de grosses miches de pain. Ici avec deux oreilles fait bien à entendre. 97. Le royaume est semblable à une femme qui portait un plein repas. Alors qu'elle marchait sur un chemin lointain, la poignée du pot cassa en route et le repas renversa derrière elle. Elle ne le savait pas, elle ne porta pas attention au problème. Quand elle arriva à sa maison, elle posa le pot et découvrit qu'il était vide. 98. Le royaume du Père est semblable à une personne qui voulait tuer quelqu'un de fort. Étant encore à la maison, il sortit son épée et la planta dans le mur pour tester si sa main irait jusqu'en dedans. Alors il tua le fort. 100. Ils montrèrent à Jésus une pièce d'or, lui disant « Les gens de l'empereur romain demandent de nous des impôts. » Il leur dit « Donnez à l'empereur ce qui revient à l'empereur. Donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. Donnez-moi ce qui est à moi. » 103. Bénis sont ceux qui savent où les révoltés vont attaquer. Vous allez pouvoir collecter leurs moyens impériaux et être préparés avant que les révoltes arrivent. 107. Le royaume est semblable à un berger qui a 100 moutons. L'un d'eux, le plus grand, s'égara. Il laissa les 99 et chercha jusqu'à le retrouver. Et parce que le mouton avait peiné, il lui dit « Je t'aime plus que les 99. » 108. Qui s'abreuve de ma bouche deviendra comme moi. Moi-même je deviendrai cette personne, et les secrets lui seront révélés. 109. Le royaume est semblable à une personne qui ne savait pas qu'un trésor était caché dans son champ. À sa mort il le laissa à son fils. N'ignorant lui aussi, il prit le champ et le vendit. L'acheteur alla labourer le trésor et commença à prêter l'argent à intérêt à qui il désirait. 111. Qui vit par le vivant ne verra pas la mort. Les cieux et la terre s'enrouleront en votre présence. 112. Maudissez l'âme qui dépend de la chair, maudissez la chair qui dépend de l'âme. 113. Ses disciples lui dirent. Quand le royaume viendra-t-il? Ce n'est pas en surveillant cela qu'il viendra. Il ne sera pas dit, vois par ici ou vois par là. Le royaume du Père est dispensé sur la terre, mais les gens ne le voient pas. 106. Quand vous faites les deux en un, vous deviendrez fils d'Adam. Dites. Montagne bouge d'ici. Ça bougera. 48. Si dans une même maison deux font l'appel l'un envers l'autre, ils diront à la montagne. Bouge d'ici. Ça bougera. 30. Là où sont trois célestiels, ils sont divins. Là où sont deux, ou un, je suis avec celui-ci. 11. Quand vous êtes dans la lumière, que ferez-vous? Au jour où vous étiez un, vous êtes devenu deux. Quand vous devenez deux, que ferez-vous? 41. Quiconque a quelque chose en main, lui sera donné plus. Quiconque n'a rien, sera démis du peu qu'il a. Évangile selon Marie de Magdala. Fragment. Quand Jésus arriva à la ville de Magdala, il y entra pour enseigner. Alors vint à lui une femme dont le nom était Marie qui avait sept esprits impurs, qui crièrent à haute voix. « Qu'as-tu à faire avec nous, fils de l'homme ?» Jésus réprimanda les esprits impurs en disant « Sortez d'elle !» Les esprits impurs furent chassés d'elle et la quitta. Cette Marie, de Magdala, devint une des femmes qui suivit Jésus. 4. Qu'est-ce que la matière, durera-t-elle toujours? Le maître répondit. Tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé, tout reviendra à ses racines, la matière retournera aux origines de la matière. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Céphas lui dit. Puisque tu nous as tout expliqué, dis-nous aussi ce qu'est le péché du monde. Le Sauveur dit. Il n'y a de péché qu'en vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez suivant les habitudes de votre nature adultère, c'est là que le péché est. Voilà pourquoi le bien est venu au milieu de vous et a participé aux éléments de votre nature pour l'unir de nouveau à ses racines. Voilà pourquoi vous êtes malade et vous mourrez privé de celui qui peut vous guérir des conséquences de vos actes que vous faites qui vous éloignent. Comprenne qui pourra. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature, le trouble naît alors dans tout le corps. C'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des images de votre vraie nature. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis sorti du monde grâce à un autre monde. Une image s'est effacée grâce à une image plus haute. Désormais je vais vers le repos où le temps repose dans l'éternité du temps, je vais en silence. Quand le bienheureux dit cela, il les salue à tous. Paix à vous. Que ma paix naisse en vous et s'accomplisse. Que personne ne vous égare en disant, le voici, le voilà, suivez-le, mais le Fils de l'homme est à l'intérieur de vous. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche. Annoncez la nouvelle du royaume. N'imposez aucune règle que celle dont je fus témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné la loi afin de ne pas en devenir les esclaves. 5 Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine, ils versèrent beaucoup de larmes en disant : comment irons-nous chez les païens leur annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme ? Comment serons-nous épargnés s'ils ne l'ont pas épargné ? Marie se leva, les salua tous et leur dit : ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louangeons plutôt sa grandeur, parce qu'il nous a préparés et nous a appelés à devenir pleinement des hommes. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur dans le bien et ils furent éclairés par les paroles du Maître. Céphas dit à Marie : sœur, nous savons que le Maître t'a aimé différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens que nous n'avons pas connaissance. Je vais vous annoncer ce qui ne vous a pas été donné d'entendre. J'ai eu une apparition du Maître et je lui dis : Seigneur, je te vois aujourd'hui comme dans cette apparition. Sois béni toi qui ne te trouble pas à ma vue. Car où est l'esprit, là est le trésor. Seigneur, celui qui voit ton apparition dans l'instant, est-ce par l'âme ou l'esprit ? Ni par l'âme, ni par l'esprit, mais entre les deux. C'est le cœur qui voit. 9 Marie se tut après avoir dit cela. C'est ainsi que le Maître s'entretenait avec elle. Dites ce que vous voulez sur ce qu'elle a dit, dit André à ses frères. Moi pour ma part, je ne crois pas que le Sauveur a dit cela, car ses enseignements sont étranges. Céphas répondit en disant ces mêmes choses. Lévi Matthieu dit : maintenant je te vois t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le Maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? C'est sûr que le Maître la connaît bien et il l'a aimée plus que nous. Repentons-nous pour devenir l'homme dans sa totalité. Laissons-le prendre racine et grandir en nous comme il l'a demandé. Partons annoncer la nouvelle, sans chercher à ajouter d'autres règles ni d'autres lois en dehors de celles dont il fut témoin. Dès que Lévi dit ces mots, ils se mirent en route pour annoncer la nouvelle.